s'épanouit ton cul. Puis tes cuisses de nylon au confins duquel j'ai pour le bien de tous le plus touffu des vies. Sur tes yeux hirondelles se penche le roi, la bouche noire qui s'étire en étant carnassière. Tes petits s'inspirent tout ton t-shirt en tigre sur ton ventre impatient qui s'abîme et pubère. Il est magnifique.